La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Debout, les damnés de la terre, destin de Communard, la commune insurrectionnelle de Paris en 1871. Damné, le mot a quelque chose de théologique. Hein. Être damné en religion vient nous conduire directement en enfer pour un châtiment éternel. Et puisque l'on y souffre atrocement, qu'on est maudit, voici les damnés rejetés. Ce sont ceux qui sont exclus, les damnés, les communards. Sont-ils mal aimés? On aime, on n'aime pas. Le M dans damné ne se prononce pas. Raphaël Messant, bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé... Alors, j'ai envie de dire énormément de choses. Mais vous avez réalisé cette série de bandes dessinées sur les damnés de la commune, transformée en film qui est diffusée sur Arte. Alors, diffusée sur Arte dès maintenant, hein, parce que c'est l'avantage de Arte Télé. On peut voir Arte TV, on y va, et puis on peut regarder. Et puis, il est diffusé vraiment à l'antenne d'Arte le 23 mars. Vous vous intéressez à la commune. Le film est superbe, sans doute. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de bien comprendre l'intérêt porté à cette période extrêmement courte dans notre histoire, qui nécessite un rappel. J'ai été particulièrement sensible au temps que vous passez en début de film pour raconter le cheminement qui conduit à la commune. C'était important pour vous, cette œuvre pédagogique ? Oui, absolument. J'ai voulu raconter l'histoire de la commune, pas seulement sous une forme documentaire, mais aussi sous une forme, sentir l'impulsion, ce qui s'était passé dans la vie des personnages. Et arrivé ce jour du 18 mars 1871, qu'on commémore aujourd'hui, en sachant ce qui s'était passé. Et jusqu'à présent, quand j'ai commencé cette histoire, je savais pas. Je connaissais l'histoire du 18 mars, des canons en haut de la butte Montmartre, mais je ne savais pas pourquoi il y avait eu ces canons en haut de la butte Montmartre. Je savais pas comment ça avait commencé. Et donc, dans les bandes dessinées, les trois tomes, le premier tome raconte ce cheminement qui mène à la commune. Et c'est la même chose dans le film, on raconte cette impulsion, cet élan. Ces trois tomes des damnés de la commune aux éditions Delcourt, et je trouve ça formidable de le dire clairement et de poser les choses. Mais oui, la commune, nous connaissons tous, il faut donner une date, nous parlons du 18 mars 1871, mais en réalité, que savons-nous de la commune? Avec nous également Jean-Louis Robert, bonjour. Bonjour. Jean-Louis Robert, professeur émérite d'histoire à l'Université Paris 1, et vous aussi, grand connaisseur de la commune, vous avez dû être sensible, dans votre carrière, aujourd'hui encore, à la méconnaissance du processus qui conduit à ce 18 mars. Oui, et il se trouve que cette période, d'ailleurs, la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris, c'est une période qui est maltraitée dans l'enseignement scolaire. Pendant très longtemps, les programmes sautaient du Second Empire au début de la Troisième République, en ignorant complètement les événements de 1870-1871. Ça ne s'accordait pas, et ça continue à être difficile à accorder dans notre histoire nationale la présence de la Commune de Paris. Une sorte d'insurrection qui est républicaine, mais qui en même temps s'oppose à un chef de gouvernement qui se prétend lui-même républicain et qui inaugure une république qui sera celle de l'ordre. Donc on a beaucoup de mal dans notre histoire nationale encore, même s'il y a eu quelques progrès récents. Je pensais au vote de l'Assemblée nationale qui a souhaité que les communards soient réintégrés dans notre histoire. Malgré ces progrès récents, on voit bien que la Commune de Paris et même aussi le siège sont encore absents de nombre de nos écoles, de nos lycées. C'est très important ce que vous venez de dire, Jean-Louis Robert, parce que vous avez, j'ai envie de dire, posé là, maintenant, au micro, le vrai problème. La Commune de Paris est un mouvement républicain qui s'oppose à la République qui est alors en place depuis septembre 1870. Il y a cette interrogation qui fait que le sujet est encore aujourd'hui très prégnant. Raphaël Messant, quand vous travaillez justement sur la Commune, il y a cette interrogation qui suinte dans tout. Alors, les tomes de la bande dessinée, mais également le film. Oui, je connaissais pas moi du tout cette histoire quand j'ai commencé. Je commençais il y a un petit moment, ça fait 10 ans maintenant, donc je commence à la connaître bien mieux. Et effectivement, il y a une chose dont j'avais pas conscience, c'était le caractère profondément républicain de la Commune de Paris. C'est pour ça que je suis vraiment choqué quand j'entends dire que la Commune n'a pas sa place dans l'histoire nationale, qu'elle n'a rien apporté à la République, comme l'a fait Pierre Nora, qui a balayé la Commune d'un revers de la main. C'est extrêmement choquant parce que 1870-1871, c'est vraiment le moment où la République française s'est mise en place. Et elle avait, à ce moment-là, la possibilité de choisir entre deux options. La première, c'était celle dont rêvaient les communards, cette République démocratique, cette République sociale, et qu'ils ont mis en œuvre pendant 72 jours. Et la seconde, c'était la République de Versailles. Et malheureusement, c'est cette deuxième République qui a gagné, cette République de l'ordre social. Et puis quand nous parlons de la Commune, nous évoquons parfois, pour évoquer ceux qui ont participé, ce mot de communard, il y a cette réalité humaine. Et c'est vraiment ce qui vous réunit, Raphaël Messant, Jean-Louis Robert, sur les gens qui ont traversé cette chose. D'ailleurs, Jean-Louis Robert, vous publiez « Rouges estampes, une enquête pendant la Commune de Paris ». Cette notion d'enquête est passionnante parce que c'est de l'histoire. L'étymologie de l'histoire, c'est l'enquête. Et donc, dans ce roman graphique, là aussi, nous sentons que nous traversons la Commune de manière incarnée. C'est peut-être important aussi d'incarner cette histoire-là pour bien comprendre la portée qu'elle a dans notre histoire à nous. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis un historien universitaire patenté. Et d'ailleurs, je travaille pour finir une grande histoire de la Commune en 3 volumes et 1500 pages, mais qui ne s'accorde pas aux commémorations, puisqu'elle sortira l'année prochaine. Mais ça, c'est le temps de l'histoire universitaire et de la recherche qui ne suit pas nécessairement le temps des commémorations. Mais effectivement, j'ai ressenti le besoin de voir la Commune d'en bas, un peu comment les Parisiennes et les Parisiens pouvaient vivre au jour le jour la Commune. Parce que au fond, c'est très important de ne pas porter aussi, c'est un point de vue d'histoire classique, de ne pas porter sur l'événement ce que nous lui donnons, même si la Commune résonne actuellement. Donc là, l'objectif, c'est un peu de faire vivre des Parisiennes et des Parisiens l'événement tel qu'il leur arrivait. Donc voilà, on arrive, personne ne sait le petit matin du 18 mars que l'insurrection aura lieu, même s'il y a des tensions considérables dans la capitale entre Versailles et Paris, mais on ne sait pas qu'elle aura lieu. Donc on peut pas leur prêter que des intentions. Comme dans l'histoire, il y a les intentions et puis il y a le fonctionnement et il y a le fonctionnalisme en quelque sorte, l'intentionnalisme et le fonctionnalisme. Et dans l'histoire, il y a des moments où on a des intentions, on veut effectivement changer les choses et ils sont pour, mais en même temps, ils sont pris dans les événements qui leur arrivent dessus. Et ça, pour concevoir comment les citoyennes et les citoyens sont pris dans les événements, il faut descendre au niveau du destin des personnes et des individus. C'est difficile de le prendre par le haut, cette vie que nous vivons tous, comme maintenant avec le Covid, où chaque jour nous sommes pris par des événements. Donc de là cette idée d'aller faire une bande dessinée pour rendre compte un peu au plus près de cette façon dont les événements se déroulent. Oui, être historien, historienne, c'est étudier des gens vivants, c'est mettre Absolument. De la chair dans l'histoire. Et la Absolument. Rapidité des événements que vous nous évoquez, Jean-Louis Robert, été 1870, Napoléon III, empereur, fait la guerre contre la Prusse. En septembre, il est défait, la République est proclamée, les Prussiens s'approchent, le siège de Paris, la Commune. Ça va très vite pour tous ces destins, notamment ceux, Raphaël Messant, que vous nous présentez dans votre film « Les damnés de la Commune » et notamment Victorine. Je m'appelle Victorine et j'ai grandi dans la nuit du Second Empire. Depuis mes 14 ans, j'ai fait de nombreux métiers. J'ai été crieuse de journaux, porteuse de pain, marchande de soupe, lavandière, couturière. Je travaille 12 à 14 heures par jour pour un salaire dérisoire. J'habite au pied de la butte Montmartre avec mon mari. C'est un ancien soldat. Il passe son temps à boire. Je ne peux compter que sur moi-même. J'ai un petit garçon. Il s'appelle Gabriel. Grâce à lui, j'ai l'impression de renaître. Je rêve qu'il grandisse dans un monde meilleur. Une lueur éclaire ma nuit. Un roman de Victor Hugo, Les Misérables. Ce livre me bouscule, me fait réfléchir. Il parle de nous, de notre misère et de notre immense soif de justice. Victorine, Raphaël Messant, qui est-elle? Victorine, elle m'accompagne dans cette aventure depuis 10 ans. Depuis 10 ans, quand j'ai rencontré son témoignage, elle a écrit un livre, ses mémoires, ses souvenirs d'une morte vivante. Lorsque je l'ai rencontrée, j'étais bouleversé. Elle raconte sa vie avant et pendant la commune, elle raconte ses enfants qui meurent en bas âge, juste avant la commune. Elle raconte son engagement à cœur perdu dans la commune. Et voilà, et dans les livres, dans le film, elle est là, j'ai l'impression qu'elle me tient par la main, qu'elle me montre où regarder, qu'elle me dit bah, là on a vécu, là on a rêvé, là on a espéré, là on s'est battu sur cette barricade à l'angle de cette rue. J'ai l'impression qu'elle est là. Et dans le film, j'ai centré l'histoire autour d'elle. C'est elle qui nous raconte l'histoire de la commune, on le voit à hauteur de femme. Et puis c'est Yolande Moreau qui incarne sa voix. Elle le fait de manière sensible, bouleversante. Je suis encore ému, hein. Voilà, juste en entendant ce passage. Ce passage de votre film, Les damnés de la commune, Raphaël Messant, me fait dire que vous offrez un des plus beaux rôles à Yolande Moreau. Elle est exceptionnelle. C'est vrai, elle est touchante, mais c'est aussi par cette écriture, par cette narration, et puis par ce destin incroyable. On a en tête une figure de la commune féminine, c'est Louise Michel. Et il y en a beaucoup d'autres. Et Victorine Brochet mérite absolument d'être connue. Et Yolande Moreau, on s'est demandé qui allait pouvoir incarner cette communarde. Et un jour, j'ai entendu une interview de Yolande Moreau. Et là, j'ai été submergé par l'émotion parce que j'avais l'impression d'entendre le personnage. Elle était là. C'était une évidence. Et elle est extrêmement présente dans ce film, et tant mieux, parce que vous parlez d'émotion, Raphaël Messant, effectivement, l'émotion est là, mais bien souvent, lorsqu'il est question de la commune et des communards, de ceux et celles qui ont participé à ce mouvement, eh bien, il y a beaucoup d'oubli. Jean-Louis Robert, vous évoquiez le fait que, c'est vrai, pendant longtemps, la commune a été écartée des programmes d'enseignement. Alors, il y a un revirement aujourd'hui, où le Second Empire et cette fin du 19e siècle revient, notamment dans les programmes de première, ce qui est absolument formidable. Comment a été construite la mémoire de ces communards? Ils ont été effacés après ces événements? Il y a toute une histoire de la mémoire qui a pu être présentée notamment dans ce livre très intéressant dirigé par Marc César et Laure Godineau récemment, un grand volume qui présentait un colloque. Au lendemain de la commune, la mémoire dominante, c'est celle du Parti de l'Ordre. C'est-à-dire que, au fond, qu'est-ce que les communards? Des classés, des écrivains ratés, des artistes ratés. Les communardes, ce sont des prostituées ou des pétroleuses. Donc on a alors une mémoire organisée qui va durer pendant une dizaine d'années, qui est péjorative et qui est heureusement un peu, mais pas entièrement disparu de la circulation, en tout cas chez les historiens, où on a démontré que la pétroleuse était un mythe. Là, il y a plusieurs travaux qui l'ont largement démontré. Donc, il y a eu cette période. Et ensuite, il y a une nouvelle période qui est la période qui s'ouvre en 1880, lorsqu'il y a l'amnistie. Et cette amnistie, nous le savons maintenant, elle a signifié, pour Gambetta, qui en a été le grand promoteur, juste avant le 14 juillet 1880, elle a signifié amnésie. Il s'agissait de mettre la pierre, de Müller, sur les crimes de la Commune et réunifier le pays avant ce 14 juillet 1880, c'est-à-dire ce moment où la nation recommençait, on distribuait les drapeaux. Donc, dans ce cas-là, au fond, les communards et les communards, c'est ce que tu montres, Raphaël, hein, au fond, ils sont oubliés. C'est ce qu'elle dit, Victorine. Moi, je voudrais qu'on parle de moi. Hein, c'est ce qu'elle dit. On nous oublie, on nous a fait disparaître. Alors, on a disparu dans l'exil, on a disparu dans la déportation, on a été massacré. Et donc, au fond, c'est le silence. Sauf, il faut le dire, bien sûr, quand même, dans le mouvement ouvrier organisé, qui va, lui, entretenir au Père Lachaise une mémoire politique de la Commune, qui restera vivante pendant longtemps. Donc, ces communards, effectivement, ils ont disparu. Et depuis maintenant quelques années, eh bien, ils reprennent vie grâce à toute une série de travaux, dont le remarquable travail de Raphaël, et puis aussi maintenant par des travaux savants. Ça fait déjà longtemps que Jean Métron avait lancé les pages 1864-1871 du dictionnaire. Bon, alors j'anticipe ce que tu vas dire, Michel, hein, mais tu vas pouvoir parler après. Voilà, effectivement, Michel Cordillo est avec nous. Bonjour Michel Cordillo. Bonjour. Vous êtes professeur émérite. Bonjour, vous êtes professeur Émile Ritte à l'Université de Paris. Vous êtes le coordonnateur de alors ce volume absolument sublime, La Commune de Paris, 1871, les acteurs, l'événement, les lieux. J'aime beaucoup hein, cette clarté de titre et cette clarté d'ouvrage. Quel est ce projet, Michel Cordillo? Ah, c'est un projet qui a été initié, qui a été souhaité au départ par les éditions de l'Atelier pour à la fois commémorer le 150e anniversaire de la Commune, et aussi avancer vers une nouvelle étape dans la construction du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, du mouvement social, le Métron, qui, au bout de 50 ans, avait besoin, sur certains points, d'être rafraîchi et complété. Justement, nous évoquons Jean Métron. Eh bien, le mieux maintenant, c'est de l'écouter. Enquêtes et commentaires. Une revue de l'actualité politique et économique dirigée par Pierre Sandal. Ce soir... Les éditions ouvrières viennent de publier le premier tome d'un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Monsieur Métron, j'étais sans projet, sans travail, et certains historiens étrangers, notamment, m'ayant demandé à plusieurs reprises des renseignements biographiques sur certains militants du mouvement ouvrier français, j'ai eu la conception d'un dictionnaire, étant donné qu'en France même, nous n'avions aucun instrument de travail dans ce domaine. Jean Métron, qui s'exprimait sur France Culture en 1964 et qui parle de son dictionnaire. Mais quelle œuvre, ce dictionnaire, le Métron. Michel Cordillo, Métron s'était déjà intéressé à la Commune. Aujourd'hui, vous coordonnez ce nouvel ouvrage aux éditions de l'Atelier, on va dire ce nouveau Métron de la Commune de Paris en 1871. Quelle différence entre les deux approches? Il n'y a pas vraiment de différence. Je veux dire, on est resté dans la marque de fabrique du Métron, c'est-à-dire dans l'approche biographique. Et c'est sauf que cette fois, on a ajouté une approche thématique qui permet de compléter le point de vue de la Commune. Je veux dire, on confronte en quelque sorte les avancées du travail de l'historien, du travail d'une vue d'ensemble de la Commune, d'une approche par le haut, avec une approche par les itinéraires des principaux protagonistes. Et en plus, dans cette construction, nous retrouvons tous les acteurs, Raphaël Messant, évidemment, de votre film « Les damnés de la Commune », avec toujours cette question de la narration de l'événement. Très important, le travail de l'historien sous forme d'ouvrage, Jean-Louis Robert, enfin, on pourrait citer hein, vos ouvrages, mais enfin tous ceux sur le Paris de la Commune 1871, ou encore là tout simplement « Rouge d'estampes, une enquête pendant la Commune de Paris sous forme de dictionnaire », la bande dessinée et le film. Pour vous, Raphaël Messant, il y a dans cette forme de narration la nécessité de mettre un peu d'émotion. Il y a ce fil conducteur dans votre démarche, l'émotion. L'émotion. La commune, c'est une grande aventure humaine. C'est une grande aventure populaire. C'est pas des idéaux, c'est pas un programme politique. Ça vient bien après. Ça se construit après. C'est d'abord des hommes, des femmes, tout en bas, qui vivent un grand moment collectif, une grande histoire ensemble. C'est ça que j'avais envie de raconter. Et au début, oui, j'imaginais que je pouvais faire un livre avec une vision un peu historienne des choses. Et puis très vite, je me suis rendu compte de toutes ces personnes qui avaient vécu, et notamment dans le Métron. C'est là aussi que ça a commencé, hein, puisque j'avais découvert, avant Victorine, j'avais découvert un autre personnage, une autre personne réelle. C'était Lavalette, qui était dans le Métron. Et Lavalette, c'était mon voisin communard, mon voisin dans le temps, une personne qui avait habité mon immeuble il y a un siècle et demi, dans le quartier de Belleville, au nord-est de Paris. Et donc j'avais envie de rentrer, comme disait Jean-Louis Robert, de rentrer dans la commune avec la vie des gens et de se rendre compte que les grands thèmes importants, je sais pas, le féminisme, la participation populaire, on les comprend mieux quand on est dans les faits, dans ce qui se passe au jour le jour. Et donc je raconte de manière chronologique cette histoire. C'est comme ça qu'on comprend mieux les évolutions aussi des personnes et des personnages, les transformations. Et puis quand on fait un film, il faut de l'image, il faut également du son. Et alors là, le son, c'est de la musique, elle est magnifique. Raphaël Messant, attardons-nous sur la forme de votre film Les damnés de la commune, parce que c'est très important, parce que nous avons bien dit qu'il y avait tout cet aspect pédagogique, émotion, formidable, mais enfin, pour raconter tout ça, la musique déjà. À la musique, Pierre Caillé, Yann Volsi, qui nous transporte pendant tout le film, qui nous emmène, là on est au tout début de l'histoire, on découvre Victorine, on découvre ce personnage. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est fondamental et qui avait pas du tout dans la bande dessinée. Là, il y a une dimension sonore, ça, avec les voix, avec les bruitages, ça crée. On est dans le Paris de cette époque. Oui, c'est les cris de Paris. Hein, nous les entendons. D'ailleurs, c'est quelque chose qui fascine toujours historien, historienne, hein, d'entendre le son du moment. Et ce son du moment accompagne une image. Alors celle-là, elle était déjà dans la bande dessinée. Il y a quel parti pris d'image dans ce film Les damnés de la commune? Un choix radical. N'utiliser que des gravures de l'époque de la commune. Dans la bande dessinée comme dans le film d'animation, il n'y a pas un seul dessin que j'ai réalisé moi-même ou qu'on a fait en studio. Ce sont tous des dessins qui ont été faits il y a un siècle et demi, qui ont été publiés dans les journaux et dans les livres de l'époque, et que pendant des années j'ai patiemment collecté, numérisé. J'ai des milliers et des milliers d'images numérisées. Et avec ces images, on raconte l'histoire, on raconte la commune telle qu'elle se voyait elle-même. Jean-Louis Robert, c'est formidable ce que nous offre Raphaël Messant pour des périodes que vous connaissez si bien, de pouvoir vous plonger dans cet univers-là, visuellement. Oui, c'est la force du travail de Raphaël, avec qui j'ai collaboré de longue date, nous sommes de vieux complices, que de montrer évidemment l'image telle qu'elle était, telle que la voyait les contemporains. Donc on est aussi dans un graphisme qui est très très proche de la sensibilité visuelle de l'époque, puisque ce sont des dessins d'illustration, etc. J'y rajouterais quand même, et on en a mis quelques-uns dans ma bande dessinée, quelque chose de plus que les illustrations de ce type qui était très présente pendant la Commune de Paris, qui sont les caricatures. Paris est envahi déjà sous l'Empire, hein, ce n'est pas une innovation, mais particulièrement pendant la Commune, de caricatures extrêmement vives, extrêmement violentes, pro-communardes ou anti-communardes, et qui sont vendues en petites feuilles dans les rues de Paris. Elles ne sont pas présentes dans les quotidiens, hein, les caricatures, les quotidiens de l'époque ne les montrent pas. Hein. Ce sont des petites feuilles volantes que l'on fait circuler, que l'on vend à bas prix. Et qui rentre dans une autre coloration, parce que ce sont des caricatures en couleur, alors que la presse rendait tout en noir et blanc. Ce qui d'ailleurs n'est pas négatif, parce que on sait que le noir et blanc a une forme de sensibilité, de rendu, comme la photographie en noir et blanc se distingue très fortement de la photo de la couleur, qui a un autre sens de du réel, hein, et du rapport du réel à l'imaginaire. Donc nous avons là, avec le travail de Raphaël, ce phénomène de sensibilité particulière. Ce n'est peut-être pas la seule, car effectivement les gens à l'époque voyaient aussi des caricatures de couleur qui étaient, on a toujours le noir et blanc à ce sentiment d'une époque perdue. Oui. Vous voyez, parce que nous vivons dans la couleur, et lorsque nous voyons, c'est comme quand nous voyons une photographie de Doisneau, le baiser, nous voyons les années 50-60, et nous rentrons dans un passé sensible, émotif, alors que nous vivons dans le monde de la couleur. Donc ça nous permet de concevoir aussi les choses d'une certaine façon. Nous, notre bande dessinée, on l'a fait en noir et rouge. C'est-à-dire qu'on n'a pas été jusqu'à la couleur, pour justement essayer de mixer un peu les deux éléments. Puis noir et rouge, au moins, c'est clair. Noir et rouge, ce sont les couleurs de la Commune, même si c'était plutôt le rouge que le noir. Mais s'il y avait quelques drapeaux noirs, lorsque les Prussiens sont rentrés dans Paris... Eh bien, justement, le choix esthétique pour le film Les Damnés de la Commune permet aussi aux spectateurs que nous sommes de vivre un moment de plaisir, plaisir esthétique. Mais ça, c'est autre chose. Ça porte la narration. Mais quelle intelligence pour le traitement de ces images que nous connaissons bien de l'illustration, du monde illustré, comment elles sont transformées. Et vous, Michel Cordillo, pareil, dans la Commune de Paris 1871, donc ce gros dictionnaire de ces lieux, événements et surtout acteurs, il y a énormément d'iconographie. Ben oui, il est évident que l'iconographie peut venir renforcer la connaissance historique en projetant aussi le lecteur dans la période et dans les personnages par les photos. Enfin, oubliez aussi que de 1870, c'est une période où beaucoup de gens se font photographier, ce qui permet d'avoir beaucoup de portraits des principaux acteurs, mais aussi des objets de la vie quotidienne, des choses présentes. Alors les caricatures dont a parlé Jean-Louis Robert, et aussi les médailles, par exemple, qui étaient très présentes, sans parler des innombrables affiches, placards, plaies qui circulaient à l'époque. Énormément d'images, énormément de personnages, et c'est pour ça que mettre des visages sur tous ces noms que nous connaissons, ces hommes, ces femmes qui ont participé à la Commune, c'est formidable. Alors, mettre des voix, c'est un peu plus compliqué, mais si, vous avez quand même réussi, vous, Raphaël Messant. Le cœur serré. J'annonce à ma mère ma décision de rejoindre mon mari et notre bataillon au combat. Je t'ai emmené partout avec moi quand tu étais enfant. Je vais avec toi, Victorine. Nous allons ensemble vers la place de la Concorde où les fédérés arrivent de partout. Mais seuls les membres des bataillons peuvent entrer. Ma mère est bloquée. Victorine! Brusquement, je suis séparée d'elle. Je lui envoie un baiser. Victorine! Les larmes aux yeux. J'avance, je dois rejoindre mon bataillon. Sortez, citoyenne, sortez au plus vite, c'est inutile. Vous ne retrouverez jamais votre bataillon, c'est plus que sauf qui peut, général. Une femme habillée en garde nationale se tourne vers moi. C'est Louise Michel. Je vais rejoindre un groupe de femmes à Montmartre. Ne reste pas seule, viens avec nous. Un extrait des Damnés de la Commune diffusée sur Arte. Raphaël Messant, nous entendons ces voix, nous en reconnaissons. Je lis juste ceux qui ont participé à ce film. Donc évidemment, Yolande Moreau, nous avons la voix du narrateur, Simon Abkarian, et puis il y a Denis Podalydès, André Dussolier, Sandrine Bonner, Jacques Weber, Félix Moati, Fanny Ardant, nous avons entendu, oui. D'autres encore. Que s'est-il passé? Un formidable hommage collectif. C'est... Il y a 14 grands comédiens qui ont participé à ce film. Et ils l'ont fait pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour la commune et qui sont battus aussi pour nous. On s'attendait pas du tout à ça, hein, à cette participation. J'en suis encore ébloui et je sais pas comment les remercier. Mais il y avait vraiment cette envie des uns et des autres de venir, de dire quelques phrases, quelques répliques, d'incarner un personnage et de participer à cet hommage 150 ans après. Hommage 150 ans après et pour beaucoup, je pense, aussi une redécouverte. Ou une découverte, tout simplement, de ce qu'a été la commune. Jean-Louis Robert, il faut rappeler hein, qu'il s'agit d'une guerre civile, une guerre civile qui a fait énormément de morts, mais surtout qui a fait ces massacres. C'est cette notion-là qui est très complexe, de personnes fusillées, de fusillades en masse. Et cette chose a été complètement occultée, elle est redécouverte aujourd'hui. Il est presque étonnant de voir l'étonnement face à cette redécouverte. Ben oui, on peut employer presque effectivement le mot de crime de masse, hein, qui alors peut-être y a-t-il eu dans la redécouverte justement on évoquait Nora tout à l'heure Pierre Nora dans ses très très célèbres lieux de mémoire que vous connaissez bien Xavier, il avait dessiné une république où la commune avait été mise dans les dissidences marginales, quelque chose qui n'existait pas. Donc, ce n'était pas présent. On ne pouvait pas la voir dans cette histoire nationale. Et là, maintenant, on est quand même rentré dans une époque mémorielle différente. On n'est plus dans une époque où la mémoire est seulement consacrée à nos triomphes, à notre grande époque. On est dans une époque où on réfléchit bien davantage. Je pensais aux gender history, à l'histoire de l'immigration. Alors après, on peut polémiquer, bien sûr. Il y a beaucoup de polémiques sur ces sujets, etc. Mais n'empêche qu'on est rentré dans une histoire où on pense beaucoup plus, non pas seulement notre histoire nationale par le haut, notre grande histoire nationale, mais où on réintègre les faces un peu cachées de notre histoire. Je pensais aussi à ce qu'on au débat qui est actuellement autour de la guerre d'Algérie, des mémoires, des crimes que la France coloniale a pu commettre et qui sont un fait maintenant indiscutable. Donc il y a, je pense, à resituer ce mouvement de redécouverte dans cette évolution de l'historiographie où nous ne sommes plus seulement autant que Pierre Nora évoquait dans ses lieux de mémoire. Et cette redécouverte de ce crime de masse, de ces gens qu'on emmenait de la caserne Lobo, où ils étaient condamnés en 3 minutes, à droite, à gauche. À droite, ça voulait dire vous rejoignez Versailles. À gauche, vous prenez le quai de Gèvres et vous pénétrez enchaîné dans la caserne Lobo. Si vous êtes moins de 10 personnes, on vous fusille comme ça. Si vous êtes plus de 10 personnes, on vous tire à la mitrailleuse. Et puis, les cadavres sont emmenés. Toutes les 10 minutes, un quart d'heure, arrive la foule. Donc, de futurs morts. Voilà. Et donc, ce crime de masse qui se fait pendant la semaine sanglante et qui s'accompagne aussi mais en nombre bien infime à côté de ce crime de masse d'exécution de quelques otages par les communards, il faut voir l'histoire dans son ensemble. Ce crime de masse, effectivement, maintenant nous le percevons sans doute plus parce que nous sommes dans un temps mémoriel où la perception de notre histoire, et elle en a besoin, a évolué. Elle est moins une histoire du triomphe qu'une histoire de plus profonde de ce qu'a été notre destin national. Jean-Louis Robert, vous évoquez cette caserne d'un Lobo, c'est derrière l'hôtel de ville de oui. Paris. Et justement, la question se pose toujours du bilan. Où en sommes-nous des recherches sur le bilan des massacres de la semaine sanglante? Alors, je pense que malheureusement, on ne saura jamais, je pense que Michel sera d'accord avec moi, on ne saura jamais combien il y a eu de fusillés dans ces massacres. On ne tenait pas de registre dans ces cours prévôtales, et puis encore moins dans les exécutions, dans les maisons, sur les barricades des prisonniers, etc. Et dans les cours, les dizaines de cours qui sont présentes dans Paris à ce moment-là, on ne note pas les noms, on ne fait pas des listes que les historiens auraient pu retrouver. Donc on est dans une grande incertitude, et il y a encore un débat chez les historiens sur le nombre de morts de la... On a maintenant un récent travail de Michel Audin qui vient de contester les chiffres que Robert Tombs avait donnés il y a de cela quelques années, où il avait beaucoup diminué le nombre de morts. Michel Audin estime maintenant, en ayant repris l'ensemble des archives, à 15 000 le nombre minimum de morts, tout en sachant que on ne saura probablement jamais combien de personnes ont été enterrées dans des en banlieue, dans brûlées, etc. Donc on a maintenant ce chiffre qui paraît probable d'un minimum de 15 000. Pendant longtemps, le chiffre de 30, 40 000 a été évoqué, puis des travaux disaient que c'était 6 000, et là, il y a 15 000. Mais c'est vrai que Raphaël Messant, j'ai été sensible dans votre film au fait que vous ne terminiez pas en disant le bilan de la commune, tant et tant de morts, parce que ce n'est pas votre démarche en fait. Ce n'est pas ça que vous voulez raconter. Ce sont les gens, ce sont les destins des gens. Ce sont les destins des gens, et c'est vrai que... cet aspect, la semaine sanglante, les massacres de masse, ça occupe une place très importante dans les livres. C'est le troisième tome, c'est au cœur du troisième tome, et c'est la troisième partie aussi du film. C'est évidemment bouleversant d'apprendre ça. Et c'est d'autant plus bouleversant quand on n'en a jamais entendu parler à l'école. De savoir que cette république dans laquelle on vit s'est fondée sur le massacre d'une partie de sa population. Avoir conscience de ça, c'est ahurissant. Et de savoir que des pères fondateurs de cette République, comme Jules Ferry, étaient du côté des Versaillais, sont rentrés dans Paris avec l'armée, ont acquiescé à ces massacres, c'est aussi très choquant. Donc je voulais raconter ça. Je voulais montrer à travers effectivement le personnage, la personne de Victorine et d'autres personnes, rentrer vraiment dans l'humain. Et justement, quand Victorine traverse Paris au moment de la semaine sanglante, elle voit ces cadavres, elle voit ces horreurs. Et il n'est pas besoin de dire 6 000, 15 000, 40 000 pour comprendre que l'idée même de ces massacres est quelque chose qui perturbe complètement notre vision de ce que peut être la République. Michel Cordillo, dans La Commune de Paris 1871, les acteurs, l'événement, les lieux, nous avons... tant et tant de destins de communards. Systématiquement, la commune est un moment très particulier. C'est pour certains un aboutissement qui termine par la mort, pour d'autres un début, une prise de conscience. Ah oui, la commune a été un moment tout à fait charnière dans l'histoire de France. C'est le moment où la République s'impose de manière, commence à s'imposer de manière définitive et irréversible. Et de ce point de vue-là... c'est vrai que de nombreux acteurs de la commune vont continuer de jouer un rôle par la suite. Et le débat qu'a évoqué Raphaël Messant tout à l'heure entre la République conservatrice, la République de l'ordre, la République des affaires et la République démocratique et sociale reste fondamental dans le débat qui existe en France depuis lors entre la gauche et la droite. Mais c'est vrai que les questions du passé sont les questions du présent, surtout quand il s'agit de sujets comme celui de la commune. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans le cours de l'histoire aujourd'hui, ce sont ces destins d'hommes, de femmes qui participent à la commune. Ils sont des milliers, ils sont des dizaines de milliers. Et bien souvent, un ou deux noms apparaissent. Parmi ces noms, il y a celui de Louise Michel. Les armées de la commune aussi comptèrent des femmes. Cantinières, ambulancières, soldats, elles sont avec les autres. Quelques-unes seulement ont été connues. Lachaise, la cantinière du 66e. Victorine Rouchy, des Turcos de la commune, la cantinière des enfants perdus. Les ambulancières de la commune, Mariani, Danguet, Fernandez, Malvina Poulain, Cartier, les femmes des comités de vigilance, Poirier, Excoffon, Blin, celles des corderies et des écoles, Lemel, Dmitrieff, Leloup, celles qui organisaient l'instruction en attendant la lutte de Paris où elles furent héroïques, mesdames André Léo, Jacquelart, Perrier, Reclus, Sapia. Toutes peuvent compter avec l'armée de la Commune, et elles aussi sont légions. Marion Malenfant, qui était Louise Michel dans le cours de l'histoire sur France Culture, Raphaël Messant, l'importance de ces femmes au cœur de la Commune. Nous sentons de manière très sensible dans votre film, Les damnés de la Commune, que vous avez un rapport très net à l'historiographie actuelle avec cet intérêt porté sur la participation des femmes dans la Commune, parce que la Commune est déjà quelque chose qui a été mis de côté, mais alors la participation des femmes s'est réduite à Louise Michel. Vous allez beaucoup plus loin et vous montrez que le mouvement est beaucoup plus populaire, mais quand on dit populaire, c'est vraiment toute la population parisienne. Il y a une participation très très forte des femmes à la Commune. Malheureusement, au niveau institutionnel, ça suit un peu moins. C'est vrai que le droit de vote des femmes ne s'oppose même pas. Elles ne sont évidemment pas élues. Et elles sont très souvent cantonnées à des rôles classiques comme ambulancières ou cantinières dans les bataillons. Il y en a quelques-unes, effectivement, qui se battent comme Louise Michel. Mais au niveau de la rue, par contre, elles sont là. Elles sont sur les barricades, elles sont dans les clubs. Elles sont, alors le soir, par exemple, dans les églises qui sont occupées, alors qu'elles sont disponibles la journée pour la messe, le soir, elles sont ouvertes pour les réunions publiques. Elles sont là, elles débattent, elles participent. Elles poussent à aller dans un sens, à aller dans un autre. Et puis, il y a beaucoup de réalisations de la Commune qui vont leur donner de nouveaux droits, comme l'égalité entre femmes légitimes ou non mariés, comme les enfants aussi, vont avoir des droits. Et puis dans l'éducation, alors ce sont des petites avancées, mais dans l'enseignement, on va sur une égalité de salaire entre hommes et femmes. Et puis vous avez, à côté de tous ces personnages qui sont présents dans votre film, mais qui demeurent anonymes, on ne peut pas nommer tout le monde dans un film où il y a autant de participants, vous avez mis en avant aussi quelques figures essentielles qu'il faut évoquer. Alors Léo Frankel, le cours de l'histoire, nous avons consacré une émission sur Léo Frankel. Il y a aussi Dabrowski, on peut rappeler qui il est, Dabrowski. Dombrowski, pardon. C'est vraiment il a la figure du héros dans la Commune. Il n'est pas français, il est polonais. Il a fui la Pologne pour raisons politiques. Il s'était opposé aux Russes. Et c'est un officier. C'est un officier compétent. Il va mettre toute sa compétence et toute son énergie au service de la Commune. Il va se battre sur les barricades. Il va en mourir. Et il est extrêmement apprécié parmi les communards et suivi. Et puis justement, dans toutes ces figures, il y a celles qui participent à la construction d'une mémoire portée notamment par le mouvement ouvrier. Michel Cordillo, il y a des héros de la Commune, comme il y a des lieux de la Commune, mais une mémoire qui est très particulière en fait, qui ne se diffuse pas au-delà d'un mouvement très vite lié à la politique durant toute la fin du 19e siècle et le 20e siècle. Oui, alors c'est justement là qu'intervient le Métron, c'est que effectivement il se projette au-delà des héros ou des figures connues, certaines des figures reconstruites par la suite, et il met en évidence la profondeur du mouvement et des figures populaires qui vont émerger, qui sont peu connues, même à l'époque sont peu connues, sauf dans leur quartier souvent, et ce sont eux qui vont faire fonctionner le Paris de la Commune. C'est aussi ça, la Commune de Paris. C'est une preuve qui est apportée que l'accès au pouvoir des représentants des classes populaires peut exister et que ça peut marcher. Et c'est là qu'intervient la transgression sociale. C'est quelque chose que Thiers ne peut plus supporter, de voir que le Paris populaire s'administre lui-même et que ça fonctionne. Et donc, le Métron a entrepris de mettre en évidence ses destins, toutes des actions liées qui ont fait que la commune, dans son fonctionnement, a été une expérience extrêmement intéressante et riche. Jean-Louis Robert, eh bien justement, alors Raphaël Messin nous disait que jeune homme, il découvre la commune, vous avez une belle carrière devant vous, professeur émérite, vous avez vu cette évolution du regard sur la commune. Oui, et il est clair que, y compris d'ailleurs du point de vue de l'historiographie, nous avons eu une période un peu après les travaux fondateurs de Jacques Rougerie, qu'il faut ici saluer comme vraiment la personne parmi nous qui a vraiment lancé ce grand mouvement de recherche historique. Après cette période des années 60-70, hein, autant 68 tard, où évidemment la commune faisait partie de l'éducation de tout jeune étudiant. Maspero volait des livres sur la commune de Paris, c'était bien connu. Donc il y avait un accompagnement, un début d'accompagnement par la recherche historique qui a été lancé par Jacques Rougerie, dont les livres restent encore extrêmement actuels. Et puis, c'est vrai que dans le cadre même d'une évolution qui a un peu touché l'histoire sociale, hein, on a moins travaillé sur la commune de Paris pendant un certain temps, sauf, me semble-t-il, justement, une historiographie qui s'était beaucoup passée dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, où nous sont venus beaucoup de travaux très très importants sur les femmes et la commune, sur les artistes et la commune, sur les clubs et les assemblées populaires et la commune. On a eu tout un travail qui est venu en partie de là. Et si l'on examine comment ces travaux ont recommencé, ils ont recommencé par une série de colloques qui se sont passés en province et non plus à Paris. C'était une série de colloques qui se sont passés dans la Loire, Michel le sait dans Lyon où il était, et à Narbonne notamment au moment du 140e anniversaire. Au moment du 140e anniversaire, on n'a pas fait un grand colloque. Comment on va en faire un, et même plusieurs cette année à Paris et dans plusieurs grandes villes. Donc on a depuis une vingtaine d'années une reprise de l'historiographie. Vous me permettrez de glisser un mot par rapport à la question des parcours individuels. Il me semble que aussi pour l'historien, il y a aussi la tâche pour bien comprendre les choses d'étudier le rapport de l'individuel au collectif, parce que il y a ces destins. Ils sont extrêmement importants. J'ai consacré beaucoup de temps. Mais on voit bien, y compris dans le livre de Michel Cordillo, qu'à un moment, on passe de l'individuel au collectif. C'est-à-dire qu'à un moment, ces grands décrets qui sortent, la séparation de l'Église et de l'État, les réquisitions des ateliers abandonnés, la réquisition des logements vides, le début du droit du travail, etc. Tout ça, ça, c'est tout d'un coup quelque chose qui fait passer des destins individuels que nous avons évoqués au collectif, c'est-à-dire à quelque chose qui prend forme. Et là, il y a quelque chose qui compte également dans l'étude du travail, que ce rapport de l'individuel au collectif, qu'on ne peut pas établir sans voir les deux versants. Eh bien, ces deux versants, c'est vrai qu'on peut les voir dans vos différents ouvrages, c'est-à-dire La Commune de Paris 1871 aux éditions de l'Atelier, c'est l'ouvrage que vous coordonnez, Michel Cordillo, ou alors dans Rouge Estampe, une enquête pendant la Commune de Paris, hein, votre ouvrage Jean-Louis Robert avec Carole Trébor et Nicolas Gobi, et puis bien sûr, dans vos bandes dessinées, Raphaël Messan, et dans ce film Les damnés de la commune, diffusé sur Arte, donc diffusé le 23 mars sur Arte, mais déjà disponible sur Arte TV, qui est un véritable plaisir, je vous le dis, pédagogique. On révise, c'est important, plaisir d'émotion et plaisir esthétique, ce qui n'est pas rien non plus. Merci vivement à vous trois de nous avoir parlé de ces destins de communards. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors vous revenez sur une information qui a été largement diffusée dans la presse de l'Obs, Sophie Bac-Garraud, dans tous les journaux, à propos des chiffres romains dans les musées, une information sur laquelle vous nous apportez quelques précisions. Doit-on garder les chiffres romains avec leur croix, leur V et leur bâton, ou privilégier la numérotation arabe? Comment écrire aujourd'hui Louis XIV ou François Ier à Marignan en 1515? un grand émoi a saisi la toile cette semaine, après l'annonce très relayée affirmant que le musée d'histoire de la ville de Paris, le musée Carnavalet, avait choisi de préférer les chiffres arabes aux chiffres romains dans son nouveau parcours d'exposition pour inscrire la numérotation des siècles et l'ordre des monarques. D'un côté, les chiffres romains qui induisent immédiatement une monumentalité et un jeu à compter les croix et les barres, les bâtons avant ou après les V pour déchiffrer les dates en cours d'effacement sur le soubassement des statues anciennes. De l'autre, une numérotation immédiatement accessible à tous mais qui fait bondir les nostalgiques de l'érudition chiffrée que les jeunes générations ne sauraient plus décrypter pour participer pleinement à la messe patrimoniale. Les blagues vont bon train et les allusions au sketch des Inconnus qui mettaient en scène une manifestation de la Révolution française, appelant à la mise à mort de Louis Croivet Bâton, déborde des files de commentaires sur les réseaux sociaux. 5, 4, 3, 2, 1. Mais derrière le comique de référence, c'est une suspicion de la modernisation des musées, de leurs inventions pour élargir et renouveler leur public, bref, d'un marketing et d'une pédagogie qui passent sur le grill, alors que les musées, cela fait bien longtemps qu'on n'y a pas mis les pieds. Alors que le Courrier international relaie l'indignation moqueuse du Corriere della Sera qui souligne qu'au moment où les chiffres romains disparaissent des musées français, ils apparaissent pour désigner l'événement monstrueusement populaire du Super Bowl qui a choisi la numérotation romaine au début des années 70, sur Twitter, c'est une litanie de la désolation face à une preuve criante supplémentaire du déclin de notre beau pays qui ne saurait se remettre d'une telle perte. Mais tout ce bruit est surtout une belle supercherie montée en épingle jusqu'à l'absurde. Quand on pose courtoisement la question à l'équipe du musée Carnavalet, on nous explique que les chiffres romains n'ont jamais été bannis. Ils seront bien présents à sa réouverture au printemps sur les cartels et les documents d'accompagnement. Les deux systèmes de numérotation se côtoient et se répondent dans une tentative de ne plus séparer les publics, avec l'ambition que la visite au musée soit partagée par toutes et tous, quelle que soit sa génération, son âge, son niveau de connaissance historique, sa culture nationale ou sa situation de handicap. Un projet d'accessibilité à l'histoire plus généreux que la mesquinerie des commentaires haineux qui s'abattent en pluie sur une rumeur ridicule si elle n'était pas aussi violente. Ouvrez les musées, que l'on puisse enfin tous aller constater cette cohabitation militante des chiffres romains et des chiffres arabes par nous-mêmes à Carnavalet. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Clément Daté, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Judas, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas et Maïwenn Guizhou ainsi qu'Amélie Perrault, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, notamment notre série consacrée à la commune. Sinon, lire les textes de Chloé Leprin sur le site franceculture.fr sur les idées reçues sur la commune et puis le documentaire d'Anaïs Quien dans LSD, toujours sur la commune. Demain, 10h, concordance des temps, Jean-Noël Jeannet va nous conduire à la librairie avec ce sous-titre magnifique, Un long besoin.